Peut-être qu'à la fin du cycle, peut-être que dans le temps où l'on est, peut-être que dans le temps où vous êtes, il y a un homme sur la terre qui n'est pas de la race de l'homme et qui n'est pas ce que vous pensez et qui n'est pas ce que même vous pouvez vous imaginer et qui n'est pas même ce que vous pouvez lire dans les livres. Parce que lui-même garde son propre secret, mais il a une fonction, cet homme-là, c'est de vous faire comprendre des choses qui ne se comprennent pas. La fonction de l'intelligence, ce n'est pas de donner à l'homme de la connaissance. La fonction de l'intelligence, tant que l'homme sera dans la matière, c'est de l'instruire dans le fait qu'il est naïf. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Fait que tant que vous vivrez et vous aurez des jobs, ça sera pour survivre. Le reste, comme j'ai parlé, les deux aspects de l'homme, la survie et la connaissance, faites attention à la connaissance. Ce que vous avez besoin sur le plan matériel pendant les années qui viendront, ça sera de plus en plus d'intelligence pour réaliser de plus en plus votre naïveté, pour devenir de plus en plus intelligent pour que vous en arriviez un jour à sortir de la survie et à sortir de la connaissance. C'est pour ça que je parle à l'homme pendant un certain nombre d'années. Pour inscrire dans les pierres de la mémoire de l'humanité qu'il a eu, qu'il est venu sur la terre dans un certain temps, un homme qui ne pouvait pas être intelligent, mais qui était dans le courant de l'énergie qui servait à donner à l'homme une instruction pour que l'homme sorte complètement de sa naïveté, pour que lui en arrive de plus en plus à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence pour un jour passer dans la Terre. Parce que la seule fonction de l'intelligence dans le cosmos, sur le plan matériel, en dehors de la conscience expérimentale de l'homme, c'est de l'amener à passer dans l'éthérique. Fait que si vous vous servez de votre intelligence pour apprendre ou absorber de la connaissance, ça fait partie de votre expérience. Un jour, vous vous servirez de votre intelligence pour défaire constamment les formes qui appauvrissent votre esprit, qui appauvrissent votre intellect, qui appauvrissent votre émotion, qui appauvrissent votre vital, qui appauvrissent votre mental. Quand vous aurez compris ça, vous serez plein de cette énergie-là. Votre mental, votre émotionnel, votre vital, votre physique sera de plus en plus régénéré par l'énergie et vous passerez automatiquement à l'éther. Alors, le phénomène de la naïveté, de la façon dont je l'explique, doit être compris non pas selon les lois psychologiques de la forme, mais en fonction de l'impossibilité psychologique de l'homme de comprendre les limites de sa réalité dont il a l'impression à cause du fait qu'il a une conscience astrale qui domine toute son activité mentale et toute son activité émotionnelle. On commence à parler. On commence. L'homme doit commencer à réaliser que sa vie ne doit pas être psychologique. Sa vie ne doit pas être psychologique. Et moins elle est psychologique, plus elle est vibratoire. Plus elle est réelle. Alors, c'est important pour vous autres, dans votre vie, dans vos expériences, dans tous les domaines de votre vie, de réaliser que quand vous fonctionnez psychologiquement, c'est-à-dire quand vous fonctionnez en fonction de votre pensée, quand vous fonctionnez en fonction de vos émotions, vous fonctionnez en fonction de forces extrêmement puissantes qui ont le pouvoir total sur votre réalité. C'est pour ça que des fois, quand je parle à l'homme, je deviens triste. Non pas parce que je suis triste, mais parce que je sais trop ce que je sais. Et comme je sais trop ce que je sais, je vois trop loin dans ce que je sais, et je sais qu'il y a du temps, et du temps, et du temps. Mais ce qui tue la tristesse, c'est de savoir qu'il y aura un nombre d'hommes sur la Terre, de différents pays, de différentes nations, qui deviendront éventuellement libres. C'est-à-dire qu'ils passeront d'une étape de la colonisation à la Terre à l'autre étape de la fertilisation de l'énergie de l'intelligence. L'énergie de l'intelligence doit fertiliser un jour la Terre. Et lorsqu'elle fertilisera la Terre, la colonisation de la Terre sera terminée. Et les extraterrestres ne pourront plus venir sur la Terre, comme ils sont venus dans le passé, parce que l'homme sera le gérant et gérera ses propres activités. Lui-même sera de leur science. Lui-même sera de leur acabit. Et lui aura le pouvoir de créer sur la Terre les conditions qu'il voudra pour la prochaine évolution. Autrement dit, la forme que donnera l'homme à ses enfants sera contrôlé par lui et non par les forces qui sont sur les autres plans et qui ont installé des mécanismes dans la conscience atomique de l'homme qu'on appelle le code héréditaire. L'hérédité est installée dans l'homme par ces forces-là. L'homme, un jour, détruira son code héréditaire et l'homme créera dans sa sexualité, par la thyroïde, des formes d'êtres humains qui seront aussi différentes les unes que les autres, de sorte qu'aucun homme ne se ressemble là à un autre. Et tant que l'hérédité ne sera pas détruite sur la Terre, les hommes seront prisonniers des lois de retour, parce qu'il y a une relation parfaite entre l'hérédité, la continuation de la procréation physique et les lois de ces mondes-là. De sorte qu'aussitôt qu'une femme met au monde un enfant, il y a quelqu'un qui vient dedans. Aussitôt qu'une femme met au monde un enfant, as-tu déjà fait un enfant qui a pas... Il y a toujours quelqu'un qui rentre dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 99,9% des cas. Et un jour, l'hérédité doit cesser sur la Terre. Les hommes doivent tuer ça complètement parce que l'hérédité fait partie des lois astrales qui sont gérées par des formes intelligentes animales de très haute évolution. Et quand je parle de formes intelligentes animales de très haute évolution, je ne veux pas rentrer là-dedans, là. Mais je vais vous donner un petit cliché astral de ça. Mais je ne veux pas qu'on répète ça parce qu'on répétera des choses que je ne veux pas dire de même. Mais je vous donne un cliché astral. Allez dans le bas astral. Regardez les formes qui dirigent ces mondes et vous verrez que ce sont des formes animales intelligentes. Les grands peintres ont peint de ces formes-là. Regardez les dessins qu'on a faits des formes sataniques. Ce sont des formes animales intelligentes, de très haute intelligence. L'homme n'existe pas. Et le produit de ces formes-là sur la Terre, dont l'homme, est la projection dans la matière d'une beauté qu'ils ne peuvent pas atteindre. L'homme est très beau comparé à eux. C'est pour ça que pour eux, l'homme est extrêmement important et ces forces-là ne laisseront jamais l'homme être libre. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle je suis venu sur le plan matériel et que je représente dans ce siècle, dans cette génération d'hommes, le principe de l'intelligence sur la Terre. L'homme ne sera jamais permis de savoir par d'autres êtres qu'un homme. Un homme. Moi, je suis un homme. L'homme ne sera jamais permis de savoir en fonction ou en relation avec des intelligences qui sont sur les autres. Un jour, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est le monde des morts. Je vous expliquerai comment est-ce que le monde des morts est lié et géré par ces intelligences. On est à l'aube de l'intelligence. Oubliez jamais qu'on est à l'aube de l'intelligence et qu'on n'a rien encore appris du réel. On commence. Alors, ainsi, vous perdrez votre naïveté et vous vous assurerez d'être capable d'absorber des vibrations qui se transforment en connaissances, mais non pas par l'astral, mais par des mondes qui appartiennent à l'intelligence. Quand vous serez suffisamment dans votre propre énergie, vous aurez accès à ces propres mondes par vous-même. Alors, vous commencerez à être des hommes, et petit à petit, votre corps éthérique se formera, et quand il sera suffisamment formé, vous serez capable de sortir du plan matériel, quitte à revenir dedans pour que se continue sur la Terre l'évolution de l'homme, mais une évolution beaucoup plus avancée que celle qu'on a connue dans le passé. Vous avez assez parlé pour la soirée, là. Essayez de le voir de mon point de vue pour pouvoir ouvrir votre point de vue sur votre propre intelligence. Parce que quand je vous parle et que je vous donne des clés, ces clés-là sont irréductibles. Ces clés-là font déjà partie de l'intelligence dans vous autres. Alors moi, je vous donne une clé, puis je vous dis comment... Je ne peux pas ouvrir la porte pour vous autres, mais je peux vous donner la clé. C'est à vous autres de tourner. Et si vous avez suffisamment de force, si vous êtes suffisamment stable dans le mental et dans l'émotionnel, petit à petit, vous apprendrez à tourner votre propre clé et un jour, vous verrez à l'intérieur de la porte qui s'ouvrira votre propre réalité. Cherchez pas à me comprendre. Cherchez pas à comprendre ce que je dis. Cherchez pas à analyser ou à interpréter ce que je dis. Je ne parle pas à vos cerveaux. Je communique avec vous autres. C'est tout ce que je fais. Je communique avec vous. Je ne parle pas. Et rappelez-vous toujours qu'on n'a pas commencé encore. Et quand je vais mettre mon livre sur le marché en 84, je vais révolutionner complètement là. En 84, je vais expliquer tous les mystères de l'homme et tous les secrets des mystères de l'homme. Et ceux qui vont lire ce livre-là ne pourront pas ne pas changer. Mais beaucoup le liront mal et se détruiront, et beaucoup le liront bien et grandiront dans l'intelligence. Mais je ne peux pas m'occuper de ceux qui se détruisent. Je m'occupe des quelques-uns qui passent encore.